La cravache par Marie Écart. Tout le monde convient qu'il n'y a pas de ville où l'on dépense plus d'argent en charité ni qui contienne plus de philanthropes que la ville de Londres. La philanthropie des Anglais s'attache aux objets les plus excentriques, et tout en s'occupant des chiens, des chevaux et même des blaireaux et des coqs lorsqu'ils se sont bien conduits dans Thiessen Street, il est juste de dire qu'elle n'oublie pas les hommes. Mais il y a deux sortes de charité, celle que la loi, la position ou la vanité contraignent d'exercer, et celle qui naît d'un mouvement de compassion, d'un acte instantané qui fait que le riche ouvre la main malgré lui s'il rencontre un malheureux mourant de besoin au coin d'une borne. La première est la charité des Anglais, la seconde est inconnue à Londres. Quand un citoyen anglais a payé la taxe des ports et a quitté le montant de ses souscriptions, il est en paix avec sa conscience et on peut mourir de faim à sa porte sans qu'il s'en soucie. Chaque établissement philanthropique a d'ailleurs sa spécialité dont il ne sort jamais. Voilà pourquoi l'honnête matelot John Forster parcourait inutilement Londres avec une petite fille qu'il venait de rencontrer sur le pavé sans pouvoir lui donner un shilling. Comme John Forster ne payait pas la taxe des pauvres et que son nom n'était sur aucune liste de souscription, il se croyait obligé d'exercer la charité d'une autre manière. Il se présenta d'abord à la Royal Human Society et s'adressa au concierge. « Voilà !» lui dit-il, en lui présentant une jeune fille de 12 à 13 ans. « Une jolie fille que j'ai rencontrée dans les environs de Temple Bar. Elle meurt de faim. Je lui ai fait boire un verre de gin. C'est tout ce que je puis. Donnez-lui le vivre et le couvert, pour quelques jours du moins, et Dieu vous bénira. » « Vous avez trouvé cet enfant à Temple Bar ?» dit le concierge. « Nous ne pouvons rien faire pour elle. Cherchez ailleurs. Ah, si vous l'aviez retirée de la Tamise, ce serait différent. Nous prendrions l'enfant. » Vous auriez une belle médaille. Ici, nous secouons les asphyxiés et nous enterrons les noyés. Nous ne sortons pas de là. » Et le concierge de la Royal Human Society repoussa doucement John Forster, ainsi que la petite fille, et leur ferma la porte au nez. Le début n'était pas très encourageant. Le bon matelot se dirigea alors vers London Road, où est établie, dans une superbe maison, la société philanthropique. « Cette petite fille, lui dit le directeur, est charmante. Les beaux yeux, quel teint éblouissant, l'agréable et gracieux sourire. Si le visage est le miroir de l'âme, elle doit avoir le meilleur naturel qu'on puisse rencontrer. « Sans doute, » répondit John Forster, ravi des éloges qu'on donnait à sa protégée. « Son père a-t-il été pendu ?» demanda le directeur. « Je ne crois pas, » répondit John. « Puisqu'il en est ainsi, » reprit le directeur, « nous ne pouvons rien faire pour elle. » La société philanthropique ne se charge que des enfants qui ont des inclinations vicieuses ou dont les pères ont été exécutés. Dans Stamford Street, la société de Saint-Patrice refuse à l'enfant parce qu'elle parlait l'anglais sans aucun mélange d'accent irlandais. La maison de charité maçonnique exigeait l'exhibition d'un diplôme qui prouva que le père de la petite fille appartenait à un des Orients répandus dans la surface du globe. Le révérend ecclésiastique qui dirigeait la société pour la conversion des Juifs demanda à l'enfant « Combien y a-t-il de Dieu, mon petit cœur ? » ?»« Il y en a un en trois personnes. »« Monsieur, vous voyez bien, » dit le révérend, en passant la main sous le menton de la petite fille, « que cette petite sainte est chrétienne comme vous et moi. » »« Et voilà pourquoi vous la laisserez mourir de faim, » dit le matelot. « Que n'est-elle juive ? » répondit le révérend en tournant le dos à John Forster. Il ne fallait pas songer à la société pour la conversion des Noirs, ni à l'hospice pour les femmes en couche. Le simple sens commun éloignait John Forster de ces deux établissements. Il se présenta vainement à l'école galloise, à l'hôpital écossais et même à la société pour la construction des chapelles. « Pourquoi faut-il, disait-il dans son désespoir, qu'une jolie figure soit le miroir de l'âme et que cette pauvre petite fille ait le malheur d'être chrétienne ?» La journée s'était écoulée dans ces courses infructueuses, et la nuit allait venir lorsque John Forster et la petite fille se trouvèrent dans Regent's Park, à l'endroit qu'on nomme Cumberland Terrace, partie du parc qui, comme on sait, a été bâti par le fameux M. Nash, cet architecte grand niveleur, qui a donné un aspect tout nouveau à la ville de Londres. D'élégants gentlemen, de belles ladies remplissaient la promenade, mais pas moyen de leur demander un penny, à moins d'être arrêté par les policemen. Cependant, l'enfant avait faim et la bourse du matelot était vide. John Forster était sur le point d'abandonner la petite fille à la Providence, c'est-à-dire de la laisser peu à peu s'engager parmi les promeneurs et de ne plus s'occuper d'elle, lorsqu'il fut abordé par un homme jeune encore, d'une figure douce et parfaitement bien mise. Mon brave homme, dit le promeneur à John, cette jolie enfant est-elle à vous ? Hélas non, monsieur. Je l'ai trouvée ce matin dans Temple Bar, et je cherche vainement quelque établissement charitable qui veuille s'en charger. Pendant que le matelot se déchaînait contre la dureté des sociétés philanthropiques, le jeune homme examinait curieusement la petite fille, ses dents, ses cheveux, ses bras, ses épaules. Il souleva un peu avec le bout de sa canne les haillons qui lui servaient de robe. « Pied bien fait, dit-il, les chevilles dégagées, des jambes de cerf. « Comment vous nommez-vous, mon enfant ?»« Déborah, monsieur, dit la petite fille en faisant la révérence. « Et votre père ?»« Mon père et ma mère sont morts, monsieur. » « Eh bien, mon brave homme, dit alors le jeune homme en s'adressant au matelot, voulez-vous me donner cet enfant? Je m'en charge. »« Très volontiers, répondit John Forster, ravi de trouver un homme plus charitable que toutes les sociétés philanthropiques de Londres réunies. » Le jeune homme mit une guinée dans la main du matelot, prit Déborah avec lui, traversa Cumberland Terrace et rejoignit une voiture qui l'attendait à quelques pas. Cet amateur de petites filles bien faites, aux pieds dégagés et aux jambes de cerf, était de Crow, un des plus habiles écuyers du cirque d'Astley, dont plus tard il fut le directeur. Il avait commencé sa vie à peu près comme Déborah, et avant d'être écuyer, il avait été sauteur de cordes. C'est le premier danseur anglais qui est uni la grâce à l'adresse et le bon goût à la vigueur. Il a mis Zéphyr à cheval, et quand il voltigeait sur sa selle avec des petites ailes de papillon, il était aussi léger que Paul de l'Opéra, ou que le dieu lui-même, dont le vol fait rider à peine la surface de l'eau. Ce n'était pas l'humanité qui le poussait néanmoins à se charger de Déborah, mais la grâce de l'enfant qu'au premier coup d'œil, il jugea un sujet précieux. Les Anglaises sont belles, roses et blanches, ce sont là des qualités qu'on ne peut leur refuser. Elles ont malheureusement le pied grand, la main maladroite, les bras mal attachés. Il leur manque du feu, de la grâce, de l'animation, tout ce qui est nécessaire pour la voltige et pour bien d'autres choses. Déborah avait les formes et la vivacité d'une Andalouse. Ses yeux brillaient comme les diamants du Visapour. C'était une excellente acquisition pour le cirque d'Astley, et jamais l'écuyer n'avait dépensé une guinée plus à propos. La petite fille fut lavée, évongée, on peut même dire étriée, avec autant de soin qu'un cheval de race. On soigna ses cheveux, on lui donna une belle robe, et après quelques jours de repos, on la fit monter à cheval. Tout le monde connaît le moyen employé pour apprendre à Candide l'exercice à la Bulgare. Ce fut par un procédé à peu près semblable que Déborah prit à monter à cheval. Ducrot tenait à ce que sa protégée lui fît honneur, et il n'épargna pas les coups de cravache. C'est le martinet des écuyers. Sans la cravache, point de sauteur, point de danseur. C'est la cravache qui apprend à danser à l'allemande, à franchir les rubans, à traverser le tonneau, et à faire l'arbre fourchu au galop sur un cheval. À Londres, comme à Paris, on n'a pas d'autre méthode. Cela bleuit bien un peu la peau, cela cause quelques douleurs dans les reins ou ailleurs, mais on n'a qu'à bassiner la partie lésée avec du sel et du vinaigre, et le lendemain, il n'y paraît plus. Déborah, étant un sujet de la plus grande espérance et l'élève favorite de Ducrot, recevait plus de coups qu'aucun de ses camarades, mais elle ne s'en portait que mieux, grandissait tous les jours et devenait belle à ravir. Ce régime convenait à son tempérament. Il y avait au cirque d'Astley deux petits jeunes gens qui promettaient aussi beaucoup Little Love et Bishop. Little Love était beau et blond comme l'amour dont il portait le nom. Bishop, grave et sérieux comme un membre du clergé. Ils avaient tous deux l'avantage de partager avec Déborah les coups de cravache de Ducrot, et ils profitaient merveilleusement de ces leçons. Enfin, après 2 ans d'études et de travail, il n'en faut pas moins pour être une écuyère un peu distinguée, la jeune fille était en état de paraître en public. Ce fut un grand jour. Le matin, Ducrot lui donna sa dernière leçon avec l'accompagnement obligé, et le soir, Déborah, en maillot couleur de chair, revêtue d'une robe de gaze à lames d'or et les cheveux couronnés de roses, s'élança dans l'arène sur un cheval blanc comme la neige. Ce ne fut qu'un cri dans le cirque. « Que de grâce, disait-on, que de légèreté, quelle assurance, quel aplomb, que de fierté dans le regard. Voilà des jambes parfaites, des bras faits autour, et les reins, et les épaules. What a pretty girl, quelle jolie fille, charming creature. » Une séduisante créature en vérité. Ducrot lui donna une ou deux guinées, et la charmante créature, heureuse comme une reine, alla souper avec Little Love et Bishop dans une taverne, où ils mangèrent du homard et des pâtés d'huîtres, où ils burent le meilleur porteur que M. Barclay & Co. ait jamais brassé. La vie est semée de tribulations, Déborah éprouva quelques désagréments de la part de la femme de Decro, qui était jalouse. Little Love lui fit une déclaration qui ne lui déplut pas. Bishop lui parla de sa passion en termes assez engageants. Les deux rivaux se battirent à coups de poing avec tant de vivacité que Little Love eut un œil poché et Bishop une côte enfoncée. La sensible Déborah pensa les blesser et soigna leur convalescence. Le premier n'avait qu'à se montrer pour plaire. Le second persuadait dès qu'il ouvrait la bouche. C'était un écuyer fort éloquent. Malgré tout leur mérite, Déborah ne laissa pas de négliger un peu ses camarades pour écouter le fils d'un membre de la chambre haute. Le jeune homme était mineur, faisait d'assez mauvaises affaires avec les usuriers de Londres et était fort mal en argent comptant. Mais la jeune fille était facile à contenter. Une promenade le matin sur la Tamise, un souper le soir après ses exercices, elle n'en demandait pas davantage. Si même Little Love avait eu assez d'argent pour satisfaire à ses menues dépenses, elle l'aurait préféré à tout autre compagnon de plaisir. Car enfin, après Ducrow, Little Love était à ses yeux le premier homme du monde. Personne ne faisait mieux le saut périlleux ni la voltige sur deux chevaux. Il y avait entre eux une parité de goût, parité d'état, et ils étaient traités tous deux d'une manière semblable, seulement il y avait dans les coups que leur distribuait Ducrow un peu de partialité. Déborah avait la plus large part, ce qu'elle attribuait à la jalousie. Le maître aurait voulu avoir les bonnes grâces de l'élève. Cela flattait en même temps sa vanité de femme et d'écuyère. Déborah était donc la plus heureuse fille du monde. Les bravos du public l'enivraient. Elle recevait tous les jours 20 déclarations. Tantôt un lord voulait lui faire accepter un diamant. Une autre fois un alderman lui envoyait un équipage. Elle renvoyait tout. Elle refusait tout. Libre, joyeuse, sans songer à la fortune, sans prévoir le lendemain. Elle régnait souverainement sur trois personnes, ses deux camarades et le fils du lord. Sa coquetterie les tenait en haleine, les soumettait l'un par l'autre. Elle avait pour eux trois, et à différents degrés, un sentiment de préférence qui, n'allant pas jusqu'à l'amour, ne lui causait ni insomnie ni souci. Pour comble de bonheur, la jalousie de Mrs. Ducrow, qui lui avait donné quelques désagréments, s'apaisa, et elle parvint à faire vivre en bonne intelligence l'aimable Little Love et le grave Bishop. Un soir, tandis qu'elle dansait une gigue sur son cheval blanc, elle fit un faux pas et perdit la mesure. Ducrow, oubliant qu'il était en face du public, lui détacha deux ou trois coups de cravache qu'un homme moins prompt aurait réservés pour la répétition du lendemain. Le public murmura et un journaliste s'éleva dans sa feuille contre un pareil procédé. Il commença par établir que le peuple anglais était le peuple le plus généreux du monde, qu'il prenait toujours le parti du faible contre le fort, que le révérend Martin avait présenté plusieurs pétitions contre la mutilation des animaux et contre ceux qui les frappent ou les injurient, d'où il résulte qu'un Anglais, digne de l'être, doit s'abstenir de bœuf et de chapon, manger du taureau, du poulet maigre, ne jamais battre son chien et parler poliment à son cheval. Ensuite, par une transition brusque et tout à fait digne de son talent, le journaliste passait à la plus belle moitié du genre humain, aux filles d'Ève, et il appelait avec galanterie la vindicte des lois sur le malheureux Ducrow, qui traitait la perle des écuyères, Miss Déborah, plus mal qu'un planteur de la Jamaïque ne traite un nègre rebelle. Déborah courut chez ce vengeur des droits de l'humanité outragé. Il plaida la cause des coups de cravache avec l'éloquence du sentiment. C'était à Ducrow et à sa cravache qu'elle devait tout, ses succès, sa réputation, son talent, sa fortune à venir. La cravache brisée, adieu l'écuyère. « Il est possible, lui dit-elle, qu'on ne devienne pas journaliste par le même procédé, je l'ignore. Criez donc contre les coups de cravache quand on vous en donnera, mais laissez-moi les miens. » Il n'y avait rien à répondre à cela. Le journaliste fit les excuses et promit de ne plus s'opposer au progrès de l'art par des observations mal placées. Ce temps heureux devait finir, car tout passe dans ce monde, rien n'est stable, rien ne dure, pas même le bonheur d'une écuyère du cirque d'Astley. Plus favorisée que d'autres, Déborah aurait eu dans sa vie une période riante et exempte de chagrin. Cela n'est pas donné à tous. Un jour, en tournant dans le cirque, elle aperçut un jeune homme qui la regardait avec attention et dont la beauté surpassait tout ce qu'elle avait vu jusque-là. Ni Little Love, ni le fils du Lord, ni personne à son gré n'approchait de cette grâce unie à je ne sais quoi de mâle et de hardi. C'était un visage divin, des yeux perçants et doux, une taille parfaite. Déborah frémit sur son cheval et l'idée du danger qui accompagne toujours les exercices équestres se dissipa chez elle pour faire place au désir de se distinguer par son adresse. Croyant ne valoir que par son talent, elle poussa l'audace jusqu'à la témérité, le mépris de la vie jusqu'à l'extravagance. Ses membres paraissaient doués d'une élasticité nouvelle, ses petits pieds ne touchaient pas la selle, elle semblait voler. Le public l'accabla de bravos et de fleurs, et à la fin de ses exercices, elle tomba épuisée dans les bras de Lucro. Elle était amoureuse. « Dieu fasse qu'il m'aime, » pensa-t-elle en rentrant dans sa loge. « Dieu fasse qu'il ait compris que tout ce que j'ai fait ce soir, c'était pour lui. » L'amour a été comparé à beaucoup de choses, et les poètes, les moralistes, ont été plus ou moins heureux dans leur comparaison. Pour nous, nous croyons que c'est un fil électrique. Si deux individus y mettent la main en même temps, ils éprouvent une commotion soudaine et simultanée. Il paraît que le beau jeune homme, qui avait charmé Déborah, venait de toucher comme elle au fil fatal, car à peine la jeune fille avait achevé sa toilette qu'il frappa la porte de la loge. « C'est lui !» se dit Déborah, en ouvrant d'une main tremblante. Il entra, le sourire sur les lèvres, la tête un peu inclinée et les yeux baissés, après avoir salué avec autant de politesse que de convenance. « Ma sœur, » dit-il en embrassant Déborah, qui se laissa faire, « les voies du Seigneur sont impénétrables. Dieu m'a poussé lui-même ce soir au cirque d'Asley, et c'est sans doute pour que nous sanctifions notre vie par notre amour. L'Esprit m'a touché, la grâce a agi, et si, comme le dit l'affiche, vous n'êtes pas engagé, j'ose espérer. » Le beau jeune homme n'acheva pas, mais il releva les yeux, et Déborah, quoiqu'elle ne comprît pas parfaitement ce langage nouveau pour ses oreilles, entendit néanmoins ce qu'il voulait dire. « Engagé, dit-elle, avec la ruse naturelle aux jeunes filles, même quand elles sont amoureuses. Mais oui, je le suis avec M. Ducro. Allons le voir, » répondit le beau jeune homme. Et ils sortirent de la loge de Miss Déborah. En 1635, un certain Jacques Spener s'aperçut que les mœurs de ce monde étaient fort dissolues, l'esprit qui vivifie très négligé, et surtout que le mysticisme, cette chose qui élève l'âme et la détache de l'agonie à laquelle elle est liée, devenait de jour en jour plus étranger aux fidèles. Il résolut de réformer tout cela. Spener fonda une secte qui, sans s'embarrasser du dogme, ne s'occupa que de la piété intérieure. Lui et ses sectateurs préféraient les fruits de la foi à la foi elle-même. Il proscrivait la danse, les spectacles, les jeux de cartes. Peu rigide sur les opinions, il se montrait sévère sur les actions. On les appela les piétistes, nom dérisoire dont ils acceptèrent l'ironie. Les hommes s'assemblaient pour se livrer à l'intuition divine, les femmes pour avoir des extases. Ils croyaient au pouvoir du diable et à la puissance des magiciens. Leurs livres favoris étaient les auteurs mystiques, Sainte Thérèse, quelques rêves creux allemands, et surtout un commentaire sur l'Apocalypse, traduit d'un fraile espagnol, ouvrage qui est devenu fort rare. C'étaient des sectaires fort enclins à l'amour, dont le sourire était caressant, les paroles des lambeaux du Cantique des Cantiques, et qui vivaient en paix avec leurs frères les méthodistes, les baptistes, les anabaptistes et même les quakers. Josué Abington était un des plus fervents piétistes d'Angleterre. Quoique les préceptes de Spener lui défendissent les spectacles, il était tenté au cirque d'Astley, poussé par un souffle divin et par ce désir de prosélytisme qui poursuit toujours un homme religieux. Dieu l'appelait peut-être dans cette enceinte profane. Il pouvait y rencontrer l'âme aimante qui devait se joindre à la sienne. Il la trouva en effet, animant le corps d'une écuyère en paillettes qui, sur un cheval au galop, franchissait des épées nues et sortait, comme un papillon de sa coque, d'un tonneau recouvert en papier buvard. « Voilà, » se dit-il, « la rose de Saron. Elle a les yeux doux comme ceux de la colombe. Il faut que je l'amène aux vignes, pour voir avec elle si la vigne est avancée, si la grappe est formée, et si les grenadiers sont fleuris. » On a vu que Déborah, qui ne connaissait pas le Cantique des Cantiques et lisait fort peu Sainte Thérèse, avait été frappée du même amour et qu'elle ne s'étonna nullement de la venue de Josué. Ils allèrent tous deux trouver Ducrot, et Josué lui expliqua comment une sympathie subite l'unissait à l'écuyère et comme quoi il voulait l'emmener chez lui et l'épouser. Il n'est point de directeur de spectacle qui ne soit exposé à se voir enlever ainsi sa plus jolie et sa meilleure actrice. Néanmoins, le coup était si subit que Ducrot ne put s'empêcher de laisser voir un vif dépit. Déborah, son élève chéri, son ouvrage, Déborah, le quittait. Il eût mieux aimé perdre son meilleur cheval. Debout devant la jeune fille et sa cravache à la main, il lui fit un beau discours pour lui prouver que la voltige vaut infiniment mieux que l'amour. Elle allait sacrifier le public entier, dont elle était l'idole, à un seul homme, échanger les applaudissements de Londres contre la douteuse tendresse de M. Josué, lui montrant l'instrument flexible qu'il tenait à la main. « Qui c'est, Déborah ? lui dit-il, si ceci à qui vous devez tout n'aura pas été pour vous un maître plus gracieux et plus doux que ne le serait un mari, et si vous ne le regretterez pas bientôt ? Déborah baissa les yeux et les releva sur Josué. C'était répondre. Ducrot alors ouvrit son secrétaire, en tira l'engagement de l'écuyère, et fit voir Josué Abington qu'en directeur prudent, il avait droit à un dédit assez fort. Le piétiste tira son portefeuille de sa poche et donna à Ducrot la somme qu'il exigeait. Il sortit triomphant du cabinet de Ducrot. En traversant le long corridor qui conduisait aux écuries, Déborah rencontra Bishop. Le pauvre garçon lui montra 2 guinées qu'il venait de recevoir d'un lord, et malgré la présence de Josué, il invita sa compagne à souper. Déborah le remercia d'un signe de tête. Plus loin, elle vit Little Love. Elle alla lui serrer la main. Entrant ensuite dans l'écurie, elle dit un dernier adieu à son beau cheval blanc. Elle monta enfin dans la calèche de Josué et s'éloigna du cirque en soupirant. Elle allait où l'amour l'emportait. Elle suivait ce guide aveugle, comme la veille encore, dans l'enceinte du cirque, elle obéissait à un signe de la cravache de Ducrot. La calèche sortit de Londres au galop, et au bout de quelques heures, elle arriva à Woolwich, jolie ville du comté de Kent, qui étale sur les bords de la Tamise ses blanches maisons et ses immenses fabriques. Là, Josué Abington était à la tête d'une fonderie qui l'enrichissait. De noirs forgerons entourèrent Déborah, qui fut confiée aux soins d'une vieille servante. Le lendemain, elle était Mrs. Abington. Les premiers jours d'un mariage pareil sont en général fort beaux. Josué était habitué à commander. Dès l'enfance, Déborah était façonnée à obéir. Les choses allèrent bien pendant 1 mois. Au bout de ce temps, Déborah commença à trouver fort triste d'être reléguée dans un parloir solitaire, sans autre compagnie qu'une vieille cuisinière, sans autre délassement qu'une petite bibliothèque remplie d'œuvres mystiques auxquelles elle ne comprenait rien. Le soir, surtout, les pieds lui démangeaient. Elle cherchait instinctivement son rouge, sa robe à paillettes, ses fleurs artificielles. « John, s'écria-t-elle, a laissé les fashions. » John était un des palefreniers de Ducrot. Fashion, le beau cheval blanc de l'écuyère. Josué, pour remédier à ces petites aberrations, conseilla les extases et la fréquentation des femmes pieuses. Déborah prit un autre moyen. Il y a toujours en garnison à Woolwich 2 ou 3 régiments d'artillerie à cheval qui, de la caserne où ils sont logés, passaient nécessairement devant la maison de Josué pour se rendre à une vaste place appelée The Parade où ils font leurs exercices. La fenêtre du parloir donnait sur la rue et Déborah ne manquait pas de les voir défiler tous les jours. Si elle apercevait un cheval blanc, elle pensait à Fashion et battait des mains. Un jour, elle crut retrouver dans les traits d'un jeune officier d'artillerie les traits chéris de Little Love. Même tour de visage, même couleur de cheveux, même grâce à cheval. L'officier leva les yeux et il la regarda absolument comme faisait Little Love. Cela fit une profonde impression sur le cœur de Déborah. Si Josué n'eût pas été occupé auprès des ouvriers de sa forge, il aurait pu croire que sa femme allait avoir une extase. Le régiment passa. Et quelques minutes après, l'officier caracolait seul dans la rue. Il avait à la main une petite cravache montée en argent avec laquelle il émoustillait le bel animal qu'il faisait piaffer. Il n'en fallait pas tant pour tourner la tête à Déborah. Elle partit comme un trait, et au moins de rien, elle était sur la croupe du beau cheval, les bras enlacés autour de la taille du lieutenant. Il n'y avait qu'une écolière de Ducrot qui put exécuter ce saut périlleux, avec la prestesse et la légèreté qui mit Déborah. Son cavalier conçut d'elle la meilleure opinion et il piqua des deux. Il la conduisit hors de la ville dans un petit cottage, dont l'hôte officieux donnait à boire et à manger moyennant une rétribution honnête. Et là, avec le sosie de Little Love, dans un petit cabinet isolé, Déborah retrouva ses pâtés d'huîtres, ses homards et tout le charme, tout le laisser-aller des soupers qu'elle faisait autrefois quand elle était écuyère. Le lieutenant était très spirituel à table quand Déborah avait bu un verre de Porto. Elle était d'une gaieté charmante. C'était bien mieux que les repas sérieux et la conversation mystique de Josué. Déborah voulait remonter à cheval et pousser jusqu'à Londres, où elle se faisait une fête de surprendre Ducrot et de reparaître le soir même au cirque d'Astley. Le jeune officier ne fut pas de cet avis. On l'aurait accusé d'avoir enlevé une femme mariée et quitté sans permission son régiment, ce qui lui aurait fait de mauvaises affaires. Il se contenta de reconduire Déborah jusqu'à sa porte, en l'assurant qu'il viendrait la prendre tous les jours après la parade, si elle aimait assez les pâtés d'huîtres pour en manger tous les jours. Mais Josué était déjà instruit. Il fit un procès en criminal conversation au jeune officier, qui fut condamné non pas précisément à cause du pâté d'huîtres, mais parce que ce malheureux pâté avait été mangé dans un cabinet isolé, ce que nous appelons un cabinet particulier. Cette affaire apporta au mari 2000 livres sterling, c'est-à-dire un peu plus que ses bénéfices d'une année. Josué exhorta sa femme à lire avec plus d'attention le commentaire sur l'Apocalypse et ne lui fit pas plus mauvais visage. Cette aventure fit du bruit à Woolwich. On apprit alors que Mrs. Josué Abington était la fameuse écuyère du cirque d'Astley et Déborah devint à la mode. Cette pauvre femme triste, solitaire, livrée à la tendresse mystique d'un piétiste et enlevée à sa seule atmosphère dans laquelle elle put respirer, les émotions du cirque, cette pauvre femme était, sans qu'elle s'en doutât, la lionne de la saison. Un jour, un petit billet lui fut mystérieusement remis. C'était le colonel du régiment d'artillerie qui lui faisait dire qu'un beau cheval était à sa porte et que si elle voulait faire une promenade dans la forêt voisine de Woolwich, elle n'avait qu'à suivre un groom en veste bleue qui lui indiquerait le chemin. Quoique assez étroitement gardée, elle parvint à s'échapper. Elle monta sur le cheval, elle suivit le groom, et à l'entrée de la forêt, elle rencontra le colonel, jeune homme de 28 ans, très versé dans la science hippique, et dont la conversation devait être fort instructive même pour une écuyère. Le gazon uni de la forêt, la voûte verdoyante des grands arbres, le plaisir d'être sur un joli cheval qui prenait toutes les allures, tout cela réuni fit que cette promenade laissa dans la mémoire de Déborah un souvenir très agréable. Josué en tira un parti surprenant. Il fit un second procès, et comme il prouva que le petit groom, au lieu de suivre la promenade, s'était arrêté à l'entrée de la forêt, cet asile verdoyant et solitaire fut assimilé par le jury à un cabinet particulier, et le colonel paya une promenade deux fois plus chère que son lieutenant un pâté d'huître. Josué n'était point ambitieux. Il aimait sa femme dont les goûts équestres le désolaient. Riche de sa fortune particulière et de ses deux amendes, il vendit sa fonderie et se retira dans un coin de l'Écosse où s'était réunie une congrégation de piétistes comme lui. Il y acheta une terre et vécut seul avec Déborah dans une espèce de château féodal. La Rose de Saron, le Lys de la Vallée était là, seul entouré de vieux domestiques, l'ex-écuyère n'avait d'autre plaisir que d'assister de temps en temps au conticule de quelques hommes hypocrites et d'un troupeau de femmes idiotes. Josué, pour lui faire perdre le souvenir de son premier métier, avait vidé ses écuries. Quelquefois seulement, elle voyait errer dans les prés un ou deux poneys d'Écosse aux formes lourdes et ramassées, animaux tout à fait impropres à la voltige, et qu'il ne lui était pas d'ailleurs permis de monter. Là, point de figure qui ressemblât à celle de Little Love, rien même qui lui rappelât le bon et sérieux Bishop. Josué Abington était, il est vrai, un fort bel homme, mais il avait une manière de sentir qui ne convenait pas à Déborah et un langage qu'elle n'entendait pas. Elle ne pouvait s'accoutumer à la solitude où il la tenait. Ils étaient fort riches. Elle pouvait ouvrir son coffre-fort et y remuer à pleine main les guinées, mais elle était comme ce voyageur mourant de faim dans le désert et qui rencontra sous ses pieds un petit sachet de peau. Il aurait donné tout au monde pour y trouver quelques grains de maïs. Il se baisse, il le ramasse, il l'ouvre, ce n'était que des perles. Déborah aurait donné toutes les guinées de son mari pour faire un tour, un seul tour dans le cirque d'Astley sur son beau cheval blanc, pour sentir sur ses reins l'étreinte cuisante de la cravache de Duck Row. Le maître l'avait prédit. Elle regretterait cet instrument flexible, accompagnement obligé de ses succès et de son bonheur. Elle le regretta 20 ans. Pendant 20 ans, elle médita tous les jours d'échapper de sa cage pour aller au cirque, entendre siffler la cravache dans la main de Ducrow, pour voltiger sur Fashion en animant le cheval par le hop-hop accoutumé. Josué la retint par force, par adresse, par amour et par la puissance du fait. Il était son mari. Enfin, Sir Josué Abington eut l'imprudence de s'exposer sans précaution à la bise de décembre et il mourut d'une fluxion de poitrine. L'amoureux piétiste alla cultiver les roses du jardin d'Éden ou servir de pâture aux dragons à mille têtes dont nous menace l'Apocalypse selon ses œuvres. Il n'avait ni parents ni collatéraux. La légèreté de sa femme avait augmenté sa fortune et c'était aussi par sa légèreté que Déborah lui avait inspiré de l'amour. Il la situa son héritière. Dès que celle-ci fut libre, elle fit comme le roi Richard, qui aurait donné son royaume pour un cheval. Elle se procura un cheval à tout prix et elle partit à franc étrier pour Londres. Elle arriva un peu moulée à la porte du cirque. Elle voulait voir Ducrow, Little Love, Bishop, Fashion, tous à la fois. Ce qu'elle venait réclamer de son ancien maître, c'était des coups de cravache. Elle n'eut garde de reconnaître l'élégant et léger écuyer. Ducrow avait grossi. Sa figure s'était empourprée, Son abdomen était prédominant et il avait la goutte. Il était devenu fort riche et, quoique toujours directeur du cirque d'Astley, avait placé des fonds dans la Compagnie des Indes, dans la Hudson Bay Company, dans l'Eastern Company et dans 5 ou 6 autres associations dont les rapports et les comptes rendus encombraient son bureau. Ducrot ne reconnut pas plus son ancienne élève qu'il ne fut reconnu d'elle. Quand ils se furent nommés l'un à l'autre, Déborah demanda des nouvelles de Little Love. « Little Love ?» dit Ducrot. « Un beau rien qu'on ne peut pas arracher de la taverne. Le plus mauvais palefrenier de mes écuries. Toujours ivre, je ne le garde que par pitié. Mais c'était un de vos plus brillants écuyers. Il y a 16 ans qu'il ne monte plus à cheval. Il est plus grand que moi, et ses cheveux sont blancs. Et Bishop ?» Bishop s'est cassé une jambe en faisant le saut du tremplin. Il est tailleur maintenant. Je suis là de lui faire des avances sur les costumes qu'il ne me livre jamais. Ce sont là de mauvaises connaissances, Mrs. Et fashion ? Demanda encore Déborah. Il fallut un effort de mémoire de la part de Ducrot pour se souvenir de ce que c'était que fashion. Enfin, il se rappela un vieux cheval qui était sorti de ses écuries pour traîner le haquet et qui depuis longtemps avait dû finir chez l'écarisseur. Déborah fondit en larmes. Elle avait compté reparaître devant le public en compagnie de son cher Little Love, souper le soir même avec Bishop, et acheter Fashion pour le laisser mourir doucement dans son écurie avec de la litière jusqu'au ventre. « Et vous, Mrs. ?» dit Ducrot, un peu embarrassé. « Que vous est-il advenu depuis vos succès passés ? Car je me le rappelle maintenant, vous aviez des dispositions. Hélas, monsieur, j'étais la femme la plus malheureuse du monde, et je me suis repenti bien souvent de n'avoir pas suivi vos conseils. » Et d'avoir préféré l'amour à la voltige. La jolie figure de Josiah Abington m'avait ensorcelé, et j'ai soupiré 20 ans après le bonheur qui m'attend aujourd'hui. Aujourd'hui, que voulez-vous dire, Mrs. ? Que vous pouvez annoncer ma rentrée dans quelques jours, que je veux retrouver mon public d'autrefois, et les applaudissements qui m'enivraient. Je viens vous demander une répétition. Ducrot demeura quelques moments pensif. Déborah était encore belle, mais qu'elle était loin de la jeune fille svelte et légère que 20 ans ou 22 ans auparavant l'écuyer avait recueillie dans une allée de Cumberland Terrace. Il crut que Déborah employait ce moyen singulier pour exciter sa compassion et lui arracher quelques guinées. Cependant, comme il avait toujours eu les manières d'un gentleman, il se crut obligé à un acte de complaisance envers son ancienne écolière. La goutte lui donnait quelques instants de répit. « Volontiers, Mrs. » dit-il. Il se leva et prit sa cravache. Le cœur de Déborah tressaillit. On se rendit au cirque Boeuf en ce moment de spectateur, et dont 1 ou 2 garçons d'écurie seulement égalisaient le terreau. On fait venir un cheval qui commença sa course circulaire, et Ducrot faisant siffler sa cravache. « Hop, hop, Déborah, en avant » dit-il. Déborah voulut s'élancer. Ses genoux faiblirent, ses pieds pesants ne purent pas quitter le sol. Le cheval alors s'éloigna au galop, la cravache décrivit un cercle dans l'air, et vint s'abattre sur les reins de Mrs. Abington, qui fit un cri « Aïe, monsieur Ducrot, vous m'avez fait mal !» « Ce n'est rien, » dit avec sang-froid l'ex-voltigeur. « Hop, hop, alerte, attention à votre cheval. La main droite à la crinière, la gauche légèrement appuyée sur la croupe. Un seul élan, Déborah, allons, de la vigueur, de la grâce et en selle. » Déborah n'avait plus ni grâce, ni vigueur, ni élan, et la cravache, cette maîtresse autrefois irrésistible, ne pouvait pas lui redonner des qualités à jamais perdues. La pauvre femme tomba sur l'arène, haletante et meurtrie. Ducrot courut à elle. Il jeta un regard sur ses jambes si déliées autrefois. Les chevilles étaient légèrement engorgées. Dans la chute de Déborah, sa robe s'était relevée, et Ducrot put voir un genou rond et charnu, sans souplesse et sans élasticité. Cette taille, jadis flexible et menue, s'était arrondie aussi. « Madame, » dit-il en relevant les cuillères, « la cravache n'a qu'un temps. » Déborah venait de la prendre à ses dépens. « Mais, monsieur Ducrot, » dit-elle en se relevant à demi-boiteuse, « que s'est-il donc passé depuis que je ne suis plus votre pensionnaire ? L'art de la voltige est-il devenu plus difficile ?»« En aucune manière, » répondit Ducrot. « Il s'est passé 20 ans, voilà tout. » Le lendemain, Déborah était au lit par suite de son expérience de la veille, et elle apprit les malheurs de la nuit. Le cirque d'Astley avait brûlé. Ducrot avait perdu la meilleure partie de sa fortune, et ce qui lui fut plus sensible encore, 11 chevaux de race suffoqués dans l'incendie. Le malheureux écuyer ne survécut pas longtemps à ses pertes. Un accès de goutte remonté l'emporta bientôt. Déborah fit une petite pension à Little Love. Elle paya les dettes de Bishop, et en veuve opulente et sensée, elle jouit honorablement de sa fortune. Elle était encore assez jeune pour manger des pâtés d'huîtres dans des cabinets isolés, pour fouler, en agréable compagnie, la verte pelouse des forêts mystérieuses. Ce fut probablement le parti qu'elle prit. Un jour, elle rencontra dans les rues de Londres un vieux matelot qui faisait aller un orgue de barbarie avec le seul bras qui le resta. C'était le bon Forster, qui avait eu la maladresse de quitter la marine royale et d'aller se faire estropier sur un vaisseau marchand. Greenwick lui était donc fermé. Forster eut d'honorables invalides en Écosse, dans le château féodal de Mrs. Abington, qui fut enfin heureuse parce qu'elle était riche, maîtresse d'elle-même, et qu'elle sut jouir du présent sans trop regretter le passé, grâce aux derniers mots que lui avait adressé Ducrot, « La cravache n'a qu'un temps ». Ainsi s'achève « La cravache » par Marie Écart.